Chapitre 33e. Gaffray et Goupil ayant échoué dans leur manœuvre pour me compromettre, Corvet voulut à son tour essayer si je ne succomberais pas. Un matin, ayant besoin de me procurer divers renseignements, je me rendis chez cet agent dont la femme était aussi attachée à la police. Je trouvai les deux époux dans leur logement, et quoique je ne les connusse que pour avoir coopéré avec eux à quelques découvertes de peu d'importance, ils mirent tant de bonne grâce à me donner les renseignements que je demandais, qu'un homme qui a le savoir-vivre des gens avec lesquels il se trouve en rapport, je leur fis l'offre de les régaler d'une bouteille de vin au plus prochain cabaret. Corvet seul accepta, et nous allâmes ensemble nous installer dans un cabinet particulier. Le vin était excellent. Nous en bûmes une bouteille, puis deux, puis trois. Un cabinet particulier et trois bouteilles de vin, il n'en faut pas tant pour disposer à la confidence. Depuis une heure environ, je croyais m'apercevoir que Corvet avait quelque ouverture à me faire. Enfin, étant un peu lancé, « Écoute, Vidocq, me dit-il, en posant bruyamment son verre sur la table, t'es un bon enfant, mais t'es pas franc avec les amis. Nous savons bien que tu travailles, mais t'es une lime sourde, indissimulée. Sans ça, nous pourrions faire de bonnes affaires. » J'eus d'abord l'air de ne pas comprendre. « Tiens, reprit-il, t'as beau battre, on ne m'en compte pas à moi. Je n'ai pas vu de ton urine. » Mais je sais de quoi qui retourne. Je vais te parler comme si t'étais mon frère. Après ça, je pense que t'auras plus de détours. C'est bon de servir la police, c'est juste. Mais aussi, on ne gagne pas le diable. Un petit écu, c'est pas si tôt changé que c'est rien du tout. Vois-tu, si tu veux être discret, il y a deux ou trois affaires que je reluque. Nous les ferons ensemble. Ça ne nous empêchera pas après d'enfoncer les amis. Comment, lui dis-je, tu vas abuser de la confiance qu'on a en toi? Ce n'est pas brave. Et je te jure que si on le savait à la boutique, on ne se gênerait pas pour t'envoyer passer deux ou trois ans à Bicêtre. « Ah, te voilà comme les autres, » reprit Corvet. « Ça ne te va-t-il pas bien de faire le délicat ?»« T'es délicat, toi. Laisse donc. On ne te connaît pas, peut-être. » Je lui témoignai mon étonnement de ce qu'il me tenait un pareil langage. Et j'ajoutai que j'étais persuadé qu'il n'avait que l'intention de m'éprouver, ou peut-être de me tendre un piège. « Un piège ? » s'écria-t-il. Un piège, moi, vouloir te faire de la peine, plutôt être gerbé à Vidocq, jugé à vie. Faut être bien mézière, Nigo, pour le supposer. Je vas pas par quatre chemins. Quand je dis quelque chose, c'est que c'est ça. Avec moi, il n'y a pas de porte de derrière. Et la preuve, que c'est pas comme tu crois, c'est que je vais te confier que pas plus tard qu'à ce soir, je fais un Chopin. J'ai déjà préparé tout mon Bataclan. Les fausses clés ont été essayées. Si tu veux venir avec moi, tu verras comme je m'arrange. Je m'en doute. Où tu as perdu la tête, où tu ne serais pas fâché de m'entortiller. Allons donc, est-ce que j'aurai assez peu de sentiments pour ça ? Haussant la voix, puisque je te dis que tu ne mettras pas la main à la pâte, que te faut-il donc de plus ? Je ferai l'affaire avec ma femme, c'est pas la première fois que je l'emmène. Mais il ne tient qu'à toi que ce soit la dernière. À deux hommes, il y a toujours plus de ressources. Pour ce qui est d'aujourd'hui, ça ne te regarde pas. Tu nous attendras dans un café au coin de la rue de la Tabletterie. C'est presque en face de la maison où nous sommes à Grinchir, et sitôt que tu nous verras sortir, tu nous suivras. Nous irons vendre les objets, et t'auras ta part. Après, tu seras maître de ne plus te méfier de nous. Sait-il, ça parlait ? Il y avait une telle apparence de sincérité dans ce discours que, véritablement, je ne savais plus à quoi m'en tenir sur le compte de Corvet. Cherchait-il un associé ou se proposait-il de me perdre ? Je n'ai encore que des doutes à cet égard, mais dans un cas comme dans l'autre, il m'était manifeste que Corvet était un coquin. De son propre aveu, sa femme et lui commettaient des vols. S'il avait dit vrai, il était de mon devoir de faire en sorte de le livrer à la justice. Si au contraire il avait menti dans le seul espoir de m'entraîner à une action criminelle pour me dénoncer, il était bon de pousser l'intrigue vers son dénouement, afin de montrer à l'autorité que, à vouloir me tenter, c'était perdre son temps. J'avais essayé de détourner Corvet du dessein dont il m'entretenait, lorsque je vis qu'il persistait. Je feignis de m'être laissé séduire. « Allons, lui dis-je, puisque c'est un parti pris, j'accepte ton offre. » Aussitôt il m'embrasse, et le rendez-vous est donné pour 4 heures chez un marchand de vin. Corvet retourna chez lui, et dès qu'il m'eut quitté, j'écrivis à M. Almain, commissaire de police, rue du cimetière Saint-Nicolas, pour l'informer du vol qui devait se commettre dans la soirée. Je lui donnai en même temps toutes les instructions qui lui étaient nécessaires pour parvenir à saisir les coupables en flagrant délit. À l'heure convenue, j'étais au poste. Corvet et sa femme ne tardèrent pas à venir. Je consomme avec eux le demi-septier de rigueur, et quand ils eurent pris cet encouragement, ils s'acheminèrent vers la besogne. Un instant après, je les vis entrer dans une allée de la rue de la Haumarie. Le commissaire avait si bien pris ses mesures qu'il arrêta les deux époux au moment où, chargés de butin, ils sortaient de la chambre qu'ils avaient dévalisée. Ce couple, si intéressant, fut condamné à 10 ans de fer. Pendant les débats, Corvée et sa digne compagne prétendirent que j'avais joué auprès d'eux le rôle de provocateur. Certainement, dans la conduite que j'avais tenue, il n'y avait pas l'ombre de ce qui peut caractériser la provocation. D'ailleurs, en matière de vol, je ne pense pas qu'il y ait de provocation possible. Un homme est honnête ou il ne l'est pas. S'il est honnête, aucune considération ne sera assez puissante pour le déterminer à commettre un crime. S'il ne l'est pas, il ne lui manque que l'occasion, et n'est-il pas évident qu'elle s'offrira tôt ou tard? Et si cette occasion fait une victime, le voleur ne peut-il pas devenir assassin? Sans doute celui qui travaillerait à démoraliser un être faible et à lui inculquer des principes pernicieux pour se ménager l'atroce plaisir de le livrer ensuite au bourreau serait le plus infâme des scélérats. Mais quand un individu est perverti, quand il s'est déclaré en état d'hostilité contre ses semblables, l'attirer dans un piège, l'allécher par la proie qu'il convoite, mais qu'il ne pourra saisir, lui donner enfin à flairer l'appât auquel il doit se prendre, n'est-ce pas rendre un véritable service à la société? Ce n'est pas la brebis que l'on montre au loup qui crée son instinct de prédateur. Il en est de même du penchant en vol. Il est préexistant à l'action, et l'action s'accomplira infailliblement, car dans un temps ou dans l'autre, le voleur sera porté de l'accomplir. Ce qui est important, c'est qu'il entreprenne de nuire dans des conditions telles qu'il y ait commencement d'exécution sans préjudice pour personne. Ainsi, le fait est constaté, et la société, par un attentat surveillé, est préservée d'une foule d'attentats dont l'auteur, longtemps ignoré, aurait peut-être joui d'une impunité fatale. En définitive, on ne persuadera jamais que ce soit mal de jeter à la vipère le lambeau d'étoffe sur lequel doit s'épuiser son venin. Dans une grande ville comme Paris, il ne manque pas de cœurs gangrénés, d'âmes profondément criminelles. Mais chacun des brigands que renferme cette cité n'a pas sur le front un signe patibulaire. Il en est d'assez adroit pour fournir une longue carrière de crimes avant d'être découvert. Ceux-là sont coupables. Il ne s'agit plus que de les atteindre et de les convaincre, c'est-à-dire de les prendre la main dans le sac. Eh bien, lorsque des individus de cette espèce m'étaient signalés, soit parce que leurs relations et leurs allures les rendaient suspects, soit parce qu'ils menaient joyeuse vie sans qu'on leur connût de moyens d'existence pour couper court à leurs exploits, c'était moi qui leur tendais le sac. Et je l'avoue sans honte, je ne m'en faisais pas scrupule. Les voleurs sont des gens dont la nature est de s'approprier le bien d'autrui, à peu près comme les loups sont des animaux voraces, dont la nature est de s'attaquer aux troupeaux. On ne peut guère confondre les loups avec les agneaux. Mais s'il était possible que les uns fussent cachés dans la peau des autres, un berger, quand il lui aurait été démontré que des coups de dents ont été donnés, serait-il blâmable, pour éviter les atteintes futures, de tenter la voracité de tous ceux qu'il suppose capables de mordre? On peut y compter, celui qui mord n'est jamais que celui qui est enclin à mordre. Si Corvée et sa femme ont volé, c'est que déjà, de fait ou d'intention, ils étaient voleurs. D'un autre côté, je ne les ai point provoqués. J'ai tout simplement adhéré à leurs propositions. On m'objectera qu'en les menaçant, je pouvais les empêcher de commettre le vol qu'ils avaient prémédité. Mais les menacer, ce n'était pas les corriger. Aujourd'hui, ils se seraient abstenus. Demain, ils auraient levé un nouveau lièvre. Et certes, pour le tirer, ils ne m'auraient pas fait appeler. Qu'en advenait-il? Que la responsabilité morale du délit dont ils se seraient rendus coupables pesait sur moi avec toutes ses conséquences. Et puis, si Corbet avait reçu la mission de l'événement, le soin de ma sûreté personnelle ne me prescrivait-il pas de prendre mes précautions, de manière à dégoûter les trames de cette espèce et ceux qui les inventeraient et ceux qui s'en rendraient les agents? C'est là, du moins, le résultat que j'obtenais en dénonçant Corvée au commissaire du quartier où il devait opérer, au lieu de le dénoncer à la préfecture. En suivant cette marche, j'étais assuré que s'il avait été mis en avant, on le désavouerait et que la justice aurait son cours. Si j'insistais sur le fait de la provocation dans cette affaire, c'est que c'était là le grand moyen de défendre la plupart des accusés que j'avais fait prendre en flagrant délit. On verra, dans le chapitre suivant, que l'idée de recourir à une si pitoyable excuse leur fut souvent suggérée par mes ennemis. Le récit d'un complot ourdi par 4 des agents de ma brigade, les hommes Hutinet, Chrétien, Descostard et Coco Lacour, montrera à quoi se réduisent les imputations les plus fortes dirigées contre moi. Je ne répéterai pas ici ce que j'ai dit ailleurs sur la provocation à des attentats politiques. Le mécontentement, légitime ou non, l'exaltation, l'exaspération, le fanatisme même, ne constituent pas un état de perversité. Mais ils peuvent produire une sorte d'aveuglement momentané sous l'influence duquel l'homme le plus probe, le citoyen le plus vertueux, sera facilement égaré. Des raisonnements captieux, des combinaisons perfides, une intrigue dont il n'aperçoit pas les fils, peuvent le conduire dans l'abîme. Satan vient et le transporte sur la montagne, d'où il lui fait découvrir les royaumes de la terre. Il lui montre tout un arsenal de chimères, des armées, des canons, des soldats, les peuples prêts à se soulever contre l'oppression. Il le séduit par des impossibilités, et pour des impossibilités, il le salue du titre de libérateur, et le malheureux, dont l'imagination marche rêveuse dans des espaces imaginaires, croit enfin avoir trouvé un point d'appui et un levier pour remuer le monde. Poussé par le plus exécrable des démons, il ose prononcer son rêve. L'enfer a ses témoins, ses juges, et le délire se termine au pied de l'échafaud. Telle est, en peu de mots, l'histoire des patriotes de 1816 sollicités par l'infâme Chilquin. Mais revenons à la brigade de sûreté. Après la formation de cette brigade, les officiers de paix et leurs agents, qui m'en voulaient déjà beaucoup, crièrent à l'abomination. Ce furent eux qui semèrent sur mon compte les bruits les plus absurdes. Ils imaginèrent le surnom de bande à Vidocq, qui fut appliqué au personnel de la police de sûreté. Ils publièrent que ce personnel n'était composé que de forçats libérés ou d'anciens filous habiles à faire la bourse et la montre. « Peut-on, disait-il, permettre à un pareil homme de s'entourer de la sorte ? N'est-ce pas mettre à la discrétion la vie et l'argent des citoyens ? » D'autres fois, il me comparait au vieux de la montagne. « Quand il voudra, il nous égorgera tous, » prétendait le respectable M. Ivrier. « N'a-t-il pas ses séides ? C'est une infamie. Dans quel temps vivons-nous » poursuivait-il. « Il n'y a plus de morale, pas même à la police. » Le bonhomme, avec sa morale. Au surplus, ce n'était pas là ce qui l'inquiétait. Messieurs les officiers de paix nous auraient volontiers pardonné d'avoir été aux galères. Si le préfet avait pu ne pas s'apercevoir que quand il s'agissait de découvrir un voleur ou de l'arrêter, on devait un peu plus compter sur nous que sur eux. Notre adresse et notre expérience les tuaient dans l'opinion des magistrats. Aussi, lorsqu'il leur fut démontré que tous leurs efforts pour faire prononcer mon renvoi étaient inutiles, changèrent-ils de batterie. Ils ne m'attaquèrent plus directement, mais ils attaquèrent mes agents, et tous les moyens de les rendre odieux à l'autorité leur semblèrent bons. S'étaient-ils commis un vol, soit à l'entrée d'un théâtre, soit à l'intérieur, vite, ils rédigeaient un rapport, et les membres de la terrible brigade étaient désignés comme les auteurs présumés. Il en était de même chaque fois que dans Paris il y avait de grands rassemblements. Messieurs les officiers de paix ne laissaient pas échapper une seule de ces occasions de faire le procès à la brigade. Il ne se perdait pas un chat qu'on ne lui reprochât de l'avoir volé. Fatigué à la fin de ces perpétuelles inculpations, je résolus d'y mettre un terme. Pour réduire au silence messieurs les officiers de paix, je ne pouvais pas couper les bras à mes agents. Ils en avaient besoin. Mais afin de tout concilier, je leur signifiais qu'à l'avenir ils eussent à porter constamment des gants de peau de daim, et je leur déclarais que le premier d'entre eux que je rencontrerais dehors sans être gronté serait expulsé immédiatement. Cette mesure déconcerta tout à fait la malveillance. Désormais, il était impossible de reprocher mes agents de travailler dans la foule. Messieurs les officiers de paix, qui n'ignoraient pas qu'il n'ait point de main à droite, si elle n'est complètement nue, restèrent bouche close. Ils savaient le proverbe « Il n'est si bon matou qui attrape une souris avec des mitaines ». Ce fut le matin à l'ordre que je fis connaître aux agents l'expédient que j'avais trouvé pour faire cesser toutes les clavonneries auxquelles ils étaient en butte. « Messieurs, leur dis-je, on ne veut pas plus croire à votre probité qu'on ne croit à la chasteté des prêtres. Eh bien, pour donner tort aux incrédules, j'ai pensé qu'il n'y avait rien de si naturel, dans un cas comme dans l'autre, que de paralyser le membre qui peut être l'instrument du péché. Chez vous, messieurs, ce sont les mains. Je sais que vous êtes incapables d'en faire un mauvais usage, mais pour éviter tout prétexte aux soupçons, j'exige que dorénavant vous ne sortiez qu'avec des gants. » Cette précaution, je dois le dire, n'était pas commandé par la conduite de mes agents, puisqu'aucun des voleurs ou forçats que j'ai employés ne s'est compromis aussi longtemps qu'il a fait partie de la brigade. Quelques-uns sont retombés dans le crime, mais s'ils sont devenus coupables, ce n'a été qu'après avoir été renvoyés. Vu les antécédents et la position de ces hommes, le pouvoir que j'exerçais sur eux était en quelque sorte arbitraire. Pour les maintenir dans le devoir, il fallait une volonté de faire et une résolution plus forte encore. Mon ascendant sur eux provenait surtout de ce qu'ils ne m'avaient pas connu avant mon entrée dans la police. Plusieurs m'avaient vu soit à la force, soit à Bicêtre, mais je n'avais jamais été que leur camarade de détention, et je pouvais les mettre au défi de citer une affaire à laquelle j'eusse participé, soit avec d'autres, soit avec eux. Il est à remarquer que la plupart de mes agents étaient délibérés, que j'avais moi-même arrêté à l'époque où ils s'étaient rouillés avec la justice. À l'expiration de leur peine, ils venaient me prier de les enrôler, et lorsque je leur connaissais de l'intelligence, je les utilisais pour le service de sûreté. Une fois admis dans la brigade, ils s'amendaient momentanément, mais sous un seul rapport. Ils ne volaient plus. Quant au reste, ils étaient toujours des êtres perdus de débauche, adonnés au vin, aux femmes et surtout aux jeux. Plusieurs d'entre eux y allaient perdre leurs appointements du mois, au lieu de payer le traiteur ou le tailleur qui leur donnait des vêtements. En vain faisais-je en sorte de leur laisser le moins de loisirs possible. Ils en trouvaient toujours assez pour s'entretenir dans de vicieuses habitudes. Obligés de consacrer 18 heures par jour à la police, ils se dépravaient moins que s'ils eussent été des sinécuristes. Mais toujours est-il que de temps à autre, ils se permettaient des incartades. Et quand elles étaient légères, ordinairement je les leur pardonnais. Pour les traiter avec moins d'indulgence, il aurait fallu que je ne connusse pas ce vieil adage qui dit qu'il est impossible d'empêcher la rivière de couler. Tant que leur tort n'était que de l'inconduite, je devais me borner à la réprimande. Souvent les mercuriales que je leur adressais étaient autant de coups d'épée dans l'eau, mais quelquefois aussi, suivant les caractères, elles produisaient de l'effet. D'ailleurs, tous les agents sous mes ordres étaient persuadés qu'ils étaient de ma part l'objet d'une continuelle surveillance, et ils ne se trompaient pas, car j'avais mes mouches, et par elles, j'étais instruit de tout ce qu'ils faisaient. Enfin, de loin comme de près, je ne les perdais jamais de vue, et toute infraction au règlement qui traçait leurs obligations était aussitôt réprimée. Ce qui paraîtra surprenant, c'est que dans toutes les circonstances où le service l'exigeait, ces hommes, indisciplinables à tant d'égards, se pliaient à ma volonté, lors même qu'il y avait du péril à le faire. Nul autre que moi, j'ose le dire, n'eût obtenu d'eux un pareil dévouement. En général, j'ai reconnu que parmi les membres composant la brigade, ceux qui prenaient ce qu'on appelle du cœur à l'ouvrage, finissaient par devenir des sujets supportables, c'est-à-dire que sortis d'une ornière pour entrer dans une autre, ils y marchaient sans se déranger de leur chemin. Ceux, au contraire, que rebutait le travail, retombaient dans une irrégularité dont les suites leur étaient toujours funestes. J'ai eu notamment l'occasion de faire une observation de ce genre, surnommé des planques, qui remplissait dans mon bureau les fonctions de secrétaire. Ce Desplanques était un jeune homme bien élevé. Il avait de l'esprit, une rédaction facile, une belle écriture et quelques autres talents qui auraient pu le mettre à même de prendre un rang honorable dans le monde. Malheureusement, il était possédé de la manie du vol et, pour comble de disgrâce, il était paresseux au plus haut degré. C'était un voleur qui avait le tempérament des escrocs, ce qui revient à dire qu'il n'était propre à rien de ce qui nécessite de l'assiduité et de l'énergie. Comme il n'était pas exact, et s'acquittait fort mal de sa besogne, il m'arrivait assez fréquemment de le gronder. « Vous vous plaignez sans cesse de ma négligence, » me répondait-il. « Avec vous, il faudrait être esclave. Ma foi, je ne suis pas accoutumé à être tenu. » Desplanques sortait du bagne, où il avait passé 6 ans. En l'admettant dans la brigade, j'avais cru faire une excellente acquisition. Mais je ne tardais pas à me convaincre qu'il était incorrigible, et je me vis contraint de le renvoyer. Sans ressources alors, il recourut au seul moyen d'existence qui, dans une telle situation, puisse se concilier avec l'amour de l'oisiveté. Un soir, passant dans la rue du Bac, devant la boutique d'un changeur, il brise un carreau, enlève une sébille pleine d'or et se sauve. Au même instant, on entend crier au voleur, et l'on se met à sa poursuite. À ces mots, arrêtez, arrêtez, officieusement répété de loin en loin, Desplanques redouble de vitesse. Bientôt il sera hors d'atteinte. Mais au détour d'une rue, il se jette dans les bras de 2 agents, ses anciens camarades. La rencontre était fatale. Il veut s'échapper, inutiles efforts. Les agents l'entraînent et le conduisent chez le commissaire, où le flagrant délit est aussitôt constaté. Desplanques était en état de récidive. On le condamna aux travaux forcés à perpétuité. Il est aujourd'hui à Toulon, où il subit sa peine. Des gens qui veulent juger de tout sans avoir été à même de s'éclairer par les faits ont prétendu que des agents sortis de la caste des voleurs devaient nécessairement entretenir avec eux des intelligences, ou du moins les ménager aussi longtemps qu'ils étaient assez adroits pour ne pas venir se brûler à la chandelle. Je puis attester que les voleurs n'ont pas plus de cruels ennemis que les libérés qui se sont ralliés à la bannière de la police, et que ces derniers, à l'exemple de tous les transfuges, ne déploient jamais plus de zèle que quand il s'agit de servir un ami, c'est-à-dire d'arrêter un ex-camarade. En général, un voleur qui se croit corrigé est sans pitié pour ses anciens confrères. Plus il aura été intrépide dans son temps, plus il se montrera implacable à leur égard. Un jour, les nommés Serre, Macolin et Dorlé sont amenés au bureau comme prévenus de vol. En les voyant, Coco Lacour, longtemps leur compagnon et leur intime, est comme transporté d'indignation. Il se lève et apostrophe Dorlé en ces termes. Lacour. Eh bien, monsieur le drôle, vous ne voulez donc pas vous corriger? Dorlé. Je ne vous comprends pas, monsieur Coco. De la morale. Lacour, furieux. Qu'appelez-vous, Coco? Sachez que ce nom n'est pas le mien, je me nomme Lacour. Oui, Lacour, entendez-vous? Dorlé. Ah, mon Dieu, je ne le sais que trop. Vous êtes Lacour, mais vous n'avez sans doute pas oublié que lorsque nous étions camarades, vous ne vouliez pas d'autre nom que Coco, et tous les amis ne vous ont jamais appelé autrement. Dis donc, Serre, as-tu déjà vu un Coco de cette force? Serre, haussant les épaules. Il n'y a plus d'enfants, tout le monde s'en mêle, monsieur Lacour. Lacour. C'est bon, autre temps, autre mœurs. Castigat ridendo mores. Je sais que dans ma jeunesse, j'ai pu avoir des égarements, mais... Lacour essaya d'arranger quelques phrases dans lesquelles il fit entrer le mot honneur. Mais Dorlé, qui n'était pas d'humeur à écouter sa remontrance, lui ferma la bouche en lui rappelant toutes les occasions dans lesquelles ils avaient travaillé ensemble. Maintes fois, Lacour a éprouvé des désagréments de ce genre. Leur arrivait-il de reprocher à des voleurs leur ténacité au métier? C'était toujours par des impertinences qu'il était récompensé de ses bonnes intentions.